Donc maintenant, nous accueille l'orateur, ouais. Le bel orateur. Ouais, merci. Vous avez remarqué, elle dit rarement... Tout le monde est beau en fait, avec elle, c'est ce qui est sympa. Vous êtes beau aussi. Et vous savez, on est sur cette série, je ne sais pas si je suis bien là, ça. Ouais, ça je vais juste un peu pousser un peu ça pour ne pas le cogner. On est sur cette série qui est sur les exploits. Dieu nous a... On a lu ce psaume qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Nous sommes donc destinés, en tant que croyants, à vivre et à expérimenter des exploits. Dieu nous a créé avec ce potentiel, cet ADN-là. Nous avons la vocation de pouvoir vivre et expérimenter des exploits avec l'aide de Dieu. Et ce qu'on va voir aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Qui dit exploit dit implication dans la société. Dieu nous a créés pour, il dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. Deux choses. Donc on réalise peu en tant que croyant, on réalise peu l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement. Et j'aimerais lire avec vous 2 Chroniques 7, 14, qui nous dit la chose suivante. Si mon peuple, donc ça veut dire vous et moi, si mon peuple... sur qui est invoqué mon nom. Alors, fais 3 choses. S'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne pas de ses mauvais, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez ici, on voit que l'Église, vous et moi, le peuple de Dieu, on est responsable de l'État et de la santé de notre pays et de notre nation. Parce que lorsque Dieu dit, lorsque mon peuple, l'Église, va faire certaines actions, c'est-à-dire s'humilier, prier, chercher ma face, il va y avoir un impact, pas simplement sur nos vies, comme Katia le disait, on a prié 1h30, ça passait vite, ça nous a fait du bien, et on va continuer encore ça donc le 19 février, mais Dieu dit, hey, lorsque vous faites ça, il n'y a pas juste un impact sur vous, il y a un impact sur le pays tout entier, sur la ville de Béziers. Donc vous voyez, nous sommes appelés à avoir un impact sur notre environnement, bien plus important qu'on pense qu'en tant que croyant, on est appelé à avoir de l'influence, de l'impact sur l'Église uniquement, mais ce texte nous montre que waouh, il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent agir, avoir une influence sur tout notre environnement. Tout comme il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent faute d'une implication du peuple de Dieu. On a le potentiel d'amener la guérison, d'amener le réveil dans notre ville et dans notre pays. Ça, c'est un exploit. Ça, c'est une vie destinée aux exploits. C'est une vie qui a du goût quand on dit hey, ma vie, c'est le but de la vie, c'est pas juste de chercher à me sauver et à être heureux, mais en plus d'avoir une vie heureuse et abondante, je peux aussi, en tant qu'Église, pas seul, mais en tant qu'Église, il est dit si mon peuple, c'est en tant que communauté, lorsqu'on prie, lorsqu'on pose certains actes qu'on va voir aujourd'hui, on peut vraiment changer l'influence, l'atmosphère d'une ville et d'un pays. Et la première chose que je veux... vous me diriez, mais comment? Comment on fait pour ce type d'exploit, influencer une ville, un quartier, un pays? Comment on fait? Je vais voir 3 points rapidement avec vous et on priera ensuite, notamment pour nos groupes connexion. Mais le premier point, c'est la prière et l'action. Je n'ai pas pu faire 2 points avec ça. C'est lié, prière et action. Parce que très souvent, on a des gens qui sont dans l'action mais pas dans la prière, ou alors on a des gens qui sont dans la prière mais qui ne font jamais rien. Et c'est les deux qui sont vraiment importants. Si on veut commencer à vivre des exploits au niveau sociétal, que l'environnement de la ville de Béziers soit impacté, que ses sièges soient remplis de personnes qui viennent pour la première fois à l'église, il nous faut ces deux principes, il nous faut appliquer ces deux principes. La prière et l'action. Si, par exemple, nos sièges ne sont pas tous pleins ce matin, c'est parce qu'on a négligé l'un ou l'autre. Il faut de la prière, mais il faut aussi de l'action. On va le lire ensemble, on va étudier ça ensemble. Et quand je parle de l'impact dans la société, ces mêmes principes que je suis en train de mentionner avec vous, ça vaut aussi pour les différents domaines où vous souhaitez avoir de l'impact. Quel que soit le domaine, là on parle bien sûr du pays, de la ville, mais ça peut, merci beaucoup, mais ça peut aussi concerner différents domaines de votre vie où vous voulez voir un changement, où vous voulez vivre des exploits. Il faut prière et action. Lisons ensemble Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. Alors là, on se dit, ben tiens, on va combattre. Donc, on sort les kalachnikovs, on sort les gants de boxe, les battes de baseball, il va falloir se battre. Non, il est dit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Je ne sais pas si vous saviez ça, que en fait, la prière, votre prière, est une arme. Lorsqu'on est croyant, il y a des fois des choses où on dit hein, « ça me révolte, ah, je suis en colère ». Et nous, on a envie de casser la figure à quelqu'un, ou de, vous voyez, et Dieu dit « hey, c'est bien, ce que tu ressens, c'est bien ». Ce n'est pas interdit d'être en colère. La Bible dit « lorsque vous êtes en colère, ne péchez pas ». C'est juste ça, mais tu peux te mettre en colère. Là, il dit « hey, je vous exhorte à combattre avec moi, comment ?» En adressant à Dieu des prières. La prière, c'est ce qui, lorsque tu es face à une situation qui te révolte, prie. Parce que si tu veux vraiment avoir un impact, si tu veux vraiment remporter des victoires et combattre avec efficacité, transforme cette colère que tu peux avoir en toi en prière. Parce que l'arme du chrétien, c'est la prière. Ce n'est pas la Kalachnikov. C'est la prière. C'est une arme. Il faut que première étape, lorsqu'on veut vivre des exploits, il faut considérer la prière comme une arme, comme ton arme. Et donc j'ai envie de dire, est-ce que tu l'utilises ton arme? Est-ce que ton arme est chargée? Est-ce que tu as commencé déjà à tirer ce matin? Ou est-ce que tu t'apprêtes à le faire aujourd'hui? Parce que ta prière est une arme. La meilleure façon pour vivre des victoires, il faut combattre. Comment on combat? Par la prière. Nous combattons et nous emportons donc des victoires dans la prière. Matthieu 21, verset 13 nous dit, c'est Jésus qui parle à l'ensemble de ses disciples, et il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. C'est fort, hein? La prière, ça nous montre quoi? Dans l'intention de Dieu, la prière occupe la place principale. Dans la maison de Dieu, la prière, elle doit occuper la première place dans une église. Ça doit être notre activité principale. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'équipe de direction, on a dit « Hey, il nous faut mettre en place une réunion de prière, au moins une fois par mois ». Après, je pense que je m'attends à ce qu'un jour quelqu'un prenne ça à cœur et va organiser des réunions de prière, peut-être chaque semaine, et puis le matin, l'après-midi ou le soir, mais au moins il nous fallait commencer par une réunion. Mais Jésus dit, hey, ma maison, c'est la maison du social, la maison du surnaturel, c'est la maison de prière. Elle sera appelée maison de prière. Donc Dieu attend. La caractéristique principale qu'il veut donner, qu'il donne à sa maison, à l'église, c'est d'être engagé dans la prière. Donc lorsqu'il n'y a pas de prière dans une église, ben, elle n'est plus la maison de Dieu. Il dit ici, hey, vous en avez fait une caverne de voleurs, ça devait être une maison de prière. Et là, c'est une caverne de voleurs. Lorsqu'il n'y a plus de prière, l'église perd de son identité, elle perd sa puissance, elle perd sa raison d'être. L'Église, la maison de Dieu, est appelée l'activité principale à laquelle nous devons consacrer du temps en tant qu'Église, c'est la prière. Parce que la prière va activer et va attirer la présence de Dieu. Notre première responsabilité, c'est de se tenir à la brèche pour notre pays et de prier en sa faveur. Première responsabilité, si on veut voir vivre des exploits, tu veux vivre des exploits ? Est-ce que tu pries pour des exploits ? Tu veux vivre des exploits ? Alors, il nous faut commencer à prier pour voir des exploits. Parce que la prière va nous permettre de matérialiser très concrètement ces exploits. Ces exploits existent quelque part dans le ciel. La prière nous permet de les incarner. Prier que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc c'est au ciel, les exploits sont là, c'est possible ces choses-là, et la prière nous permet de matérialiser cette victoire. Donc c'est très important, et là je ne parle pas de prière individuelle, on parle de prière en tant que famille, en tant qu'église. Lisez avec moi Nombre 14, c'est très intéressant concernant la prière. Donc vous voyez, Nombre 14 nous relate le passage où le peuple de Dieu s'apprête, Dieu leur dit, je vous donne le pays promis. Donc ils s'apprêtent à aller conquérir ce pays promis, et avant de faire cela, ils envoient 12 espions pour explorer le pays. Et sur 12 espions, lorsqu'ils reviennent, qu'ils font leur bilan, 10 de ces espions sont animés de crainte et de peur parce qu'ils ont vu les géants d'Anak. Et Josué et Caleb, qui font partie des 12 espions, eux, ils ont vu les géants d'Anak, mais ils ne sont pas terrorisés, parce que leur regard est fixé sur la promesse de Dieu, et pas sur les géants d'Anak. Alors que les 10 autres espions, ils oublient la promesse de Dieu. Dieu leur dit, je vous le donne ça. Mais ce qu'ils ont vu suscite de la peur. Et lisons ensemble. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Vous voyez, qu'est-ce que ce passage nous enseigne ? Même si Dieu vous a déjà donné la victoire, nous devons tout de même combattre pour en prendre possession. Il leur a donné ce pays promis, mais il fallait, c'est à eux, mais il fallait quand même combattre, être dans la combativité pour l'obtenir. Et sur 12 espions, 10 n'ont pas voulu combattre. Ils ont refusé le combat parce qu'ils ont eu peur des géants d'Anak. Mais ce qui est curieux, c'est que face aux mêmes circonstances, Josué et Caleb, ils ont vu exactement les mêmes choses, mais ils ont gardé une attitude de confiance en Dieu et de combativité face aux circonstances. Elle est là la clé. Parce que Dieu nous a fait des promesses, Dieu t'a fait des promesses. Tu peux vivre, expérimenter des exploits dans les différents domaines de ta vie, mais ça passe par de la combativité. Et le fait que Dieu nous ait promis la victoire, c'est ce qu'il a fait ici au peuple d'Israël, il leur avait promis la victoire. Mais pour pouvoir nous prendre possession de cette victoire que Dieu nous a donnée, il nous faut combattre. Combattre dans quoi ? Dans la prière. Mais également, je vous l'ai dit, la prière, si elle n'est pas suivie d'action, elle est stérile. Votre prière, si elle n'est pas suivie d'actes, si vous ne faites que prier, s'il n'y a pas d'actes très concrets après, c'est pourquoi vous voulez atteindre un objectif précis, mais vous ne faites que prier, mais il n'y a pas d'actes, la prière n'est pas suivie d'actes, la prière devient stérile. Lisons ensemble, Exode 17, versets 11 à 13. Toujours la même histoire du peuple d'Israël. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ça, c'est un bel exemple de l'association de la prière et de l'action. On est dans une promesse que Dieu a faite. Mais voyez, malgré tout, il faut combattre. Hein? Dieu nous a donné la victoire, mais pour en prendre possession, il nous faut combattre. On combat comment? Dans la prière. Qui est-ce qui prie? Moïse. Il est sur la montagne. Lui, il se bat pas. Hein? Il est sur la montagne, il supervise le combat et il élève les mains, il prie. Avec Aaron et Hur qui le soutiennent. Josué, lui, il ne prie pas. Hein? Lui, Josué, c'est bing, bam, bing, bam. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'aime bien les films de péplum, tout ça, on voit quand ils se battent, c'est du corps à corps, hein? Ça arrive de partout. Quand vous voyez le film Gladiator, enfin les guerres à l'époque, hein, c'était vraiment du corps à corps. Donc Josué, il n'a pas le temps de prier, lui, il est vraiment physiquement dans l'action. Vous voyez, pour vaincre Amalek, ce n'était pas juste la prière. Seigneur, fais que cette circonstance s'en aille, fais que mes ennemis s'en aillent. Non, non, non. Il y a la prière, mais après, il y a aussi l'action. Très concrètement, il y a une situation qui s'oppose à moi. Je fais face à des conflits, à des blocages, et je ne fais pas que prier. Oh, ben le Seigneur s'en occupe. Non, non, il y a la prière, mais concrètement, je me mets en action. Souvent, je vous parle de mon couple parce que c'est la période de ma vie où j'étais le plus en action. Mais quand vous allez dans ma bibliothèque, chez moi, cette période donc de crise de couple a duré de 2000 à 2006, il y a des piles de livres. Parce que je suis passé à l'action. J'ai prié, mais nous sommes passés aussi à l'action. Je n'ai jamais lu autant de livres que ça sur le couple. C'est pour ça que maintenant j'ai une expertise, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup lu. On a consulté ensemble un thérapeute, donc je suis passé à l'action. J'ai prié, mais je suis passé aussi à l'action. Et je connais des gens qui sont face à des défis et ils ne font que prier. Mais il faut aussi passer à l'action, se dire, mais quels sont les actions très concrètes que je peux mener en parallèle de la prière pour que dans ce domaine de ma vie, ça bouge, pour que je puisse vivre des exploits. Donc vous voyez, le peuple de Dieu ici, ils ont obtenu la victoire contre Amalek. Ils l'ont pas obtenu uniquement grâce à la prière de Moïse, mais grâce à l'action très concrète de Josué sur le terrain. C'est les deux. Il y avait la prière de Moïse et l'action très concrète. Et la question que je vous pose ce matin, je vous dis, quand allez-vous pouvoir commencer à vous mettre à prier de manière régulière? Nous, on vous propose une fois par mois en tant qu'Église de venir prier ici dans la soirée en sa présence. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent se vivre dans les groupes connexions et dans votre vie personnelle avec vos amis. Mais commencez à combattre. La prière est un combat. La prière est une arme. Deuxièmement, il faut ensuite dire, quelles sont les choses très concrètes que je peux faire pour progresser dans ce domaine que je veux résoudre dans ma vie. Vous voyez, la victoire, elle s'obtient dans la prière et dans l'action. La foi, vous savez, la foi, ce n'est pas juste utile pour le salut. La foi, elle nous est aussi donnée pour nous conduire à réaliser des exploits. La foi nous est donnée pour nous aider à conquérir des territoires pour Christ. La foi, ce n'est pas juste pour le salut, c'est aussi pour passer à l'action. La foi, c'est prendre un risque. Passer à l'action, vous savez, Josué, Moïse, il était confortable sur la montagne. Hein. Mais Josué, en bas, il fallait prendre un risque. Il fallait passer à l'action. Et c'est ce que, dans tous les défis que nous avons remportés avec Katia, c'est toujours une clé, ça. Les deux. On a toujours mêlé les deux. Quand est-ce qu'on peut prier? Et très concrètement, quels sont les actes que nous allons poser? Pas juste devenir mystique. Dire, oh, Seigneur, on te remet ça. Par exemple, on dit, oh, on veut gagner des gens à Jésus dans la ville de Béziers. Alors on prie. Mais si on fait que prier et qu'on ne passe jamais à l'action, c'est pour ça qu'on a ce fameux culte café croissant qu'on a mis en place pour le mois de février. Parce qu'on veut commencer à passer à l'action. Puis après, peut-être que ça ne marchera pas. Ben alors, on continuera à prier et on changera notre manière d'agir. Jusqu'à ce que ces sièges se remplissent. On ne cherche pas à avoir des sièges remplis, on cherche surtout à avoir des âmes qui se donnent à Jésus, qui soient réconciliés avec Dieu, avec eux-mêmes et avec les autres. Prière et action pour vivre des exploits, pour impacter notre environnement. C'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est étudier. Une fois que vous voulez, vous avez commencé à prier et à vous vous apprêtez à passer à l'action dans le domaine où vous voulez progresser, il va falloir aussi étudier. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, avant de prendre possession du pays de Canaan, Moïse a envoyé des espions. Ils ont pris connaissance. Le but était de récolter le maximum d'informations pour préparer la conquête. Nous, parfois, vous voyez, on lance des projets et on n'a même pas étudié. On n'a même pas pris le temps de réfléchir aux meilleures possibilités pour atteindre notre objectif. Et là, vous voyez, avant de combattre, on peut lire Nombre 13, versets 17 à 20. Tu l'as mis? Ah, super. On voit ici Moïse qui envoie des espions pour étudier le pays avant de le conquérir. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays. Vous voyez, sur la montagne, on a une belle perspective. On voit tout. Là, vous voyez, c'est une invitation à avoir une perspective globale. Montez sur la montagne. Vous verrez ce qu'il est. Et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Vous voyez, ici, c'est Moïse leur dit, hey, vous priez, vous passez à l'action, mais hop, attendez, il faut étudier. C'est comme ça ou c'est comme ça? Vous voyez, récolter le maximum d'informations. Est-ce que c'est fort ou faible? Est-ce que le pays est bon ou mauvais? Les villes, elles sont fortifiées ou pas? Parce que du coup, on arrive, ouais, ah mince, c'est fortifié. T'as des échelles? Ah ben non, non, j'ai pas prévu. Vous voyez, pour pouvoir, Dieu, on doit démystifier les choses. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Sinon, il nous aurait juste donné un esprit et on ne faisait que prier. On a une cervelle aussi, on a un cerveau, parce que Dieu nous appelle aussi à étudier. Avant, quel que soit le domaine où vous voulez vivre des exploits, il va falloir ensuite que vous réfléchissiez à la meilleure méthode pour pouvoir atteindre et réaliser des exploits. Donc, avant la conquête du pays promis, Dieu envoie ses 12 espions pour le découvrir et l'étudier. Donc, si on veut impacter la ville et notre pays, on doit au préalable connaître les besoins du pays. Lisons ensemble Luc 14. Jésus dit exactement la même chose ici. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Vous voyez, ça c'est très fréquent, ça a dû vous arriver aussi dans votre vie. On commence quelque chose, mais on l'amène pas à son achèvement. Pourquoi? Manque de prière? Non, manque de calcul. D'abord, si on veut construire une tour, on a un projet, on veut vivre un exploit dans un domaine de notre vie, on veut toucher la ville de Béziers, il faut d'abord calculer la dépense. Parce que sinon, on va commencer quelque chose, mais on ne va pas l'achever. Donc avant de se lancer dans un projet, qu'est-ce que ça veut dire calculer la dépense? Ça veut tout simplement dire, on doit en premier lieu réunir toutes les conditions pour réussir. Est-ce que j'ai réuni, je m'apprête à faire quelque chose, est-ce que j'ai réuni, je me suis d'abord assis, et avec des conseillers, avec plusieurs personnes, je me suis assis et ensemble, nous avons réuni toutes les conditions. On peut dire oui, toutes les conditions. On a vraiment réfléchi, on a étudié, on a pris toutes les précautions pour que ce projet que je m'apprête à réaliser un exploit, J'ai réuni toutes les informations, les conditions possibles pour que cet exploit puisse se réaliser. Bien souvent, vous voyez, on prie, on passe à l'action et on néglige ce point-là d'étudier. On a des gens, c'est en toute humilité qu'on vous le dit, à Annecy, hein, une église, on les accompagne, et depuis qu'on les accompagne, ils m'ont dit, là, Greg, on a doublé. Et ils me disaient, mais au départ, c'est le pasteur qui voulait qu'on l'accompagne. Puis il me dit, mais on a parlé à l'église, mais c'est toute l'église qui souhaite, tous les responsables souhaitent que vous veniez pour nous accompagner, parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait ça avec eux. On leur dit, hey, par rapport à vos objectifs, par rapport aux exploits que Dieu vous demande de vivre en tant qu'église, eh bien, on va s'asseoir. Et ensemble, nous calculons à la dépense. Le développement de l'équipe, le développement de la prière, le développement des actions que vous allez mener. Et on les questionne. Et puis, voilà, on prend des notes et puis on arrive à mettre en place ici des projets. Le dernier point, et on va prier, pour réaliser des exploits, prière, action, étudier et enfin s'impliquer. Romains 8, verset 19, nous dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Dieu ?» Non, la révélation des fils de Dieu. Wow. La création, c'est, nous on pense que le monde a besoin de Dieu, et Dieu dit non, le monde a besoin de vous. La création, elle attend. Elle est dans une attente. Et elle attend quoi? Que les fils et les filles de Dieu se révèlent. Que les idées, les projets, les fardeaux que vous avez en vous puissent se matérialiser. Le monde a besoin de moi et de toi. Vous savez, le manque de chrétiens impliqués dans leur vocation, dans leur destinée, le manque de chrétiens impliqués dans la société, ben ça contribue à la dégradation spirituelle, morale, relationnelle et financière d'un pays. Quand on dit « Ah, mais en France, c'est dur, il faut prier », pas que. Il faut aussi s'impliquer. Parce que la création, elle soupire, non pas après la révélation des hommes politiques, non pas à la révélation même de l'Église, mais des fils de Dieu. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous puissions commencer à nous impliquer dans la société, nous impliquer dans la ville, dans le pays, dans notre entourage. On est appelé à vivre, à expérimenter des exploits. Pour cela, les exploits ne sont possibles que s'il y a implication. Et pas juste une implication spirituelle, mais une implication très concrète. C'est pour ça que on a aussi très à cœur de lancer ces groupes connexions avec Déborah et Nicolas dans un premier temps, mais d'autres pourraient dire Déborah et Nicolas vont superviser ça, et il se peut qu'ils vous disent écoute, le groupe ici il est plein, mais toi crée un groupe. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette dame qui entend ce que je suis en train de vous dire. Et elle dit, ça fait 13 ans qu'elle est chrétienne. Elle dit, je vais commencer à m'impliquer. Je vais prier, mais je vais aussi très concrètement commencer à rendre témoignage à ma collègue de boulot. Elle travaillait à la préfecture. Elle n'avait jamais fait. C'était une chrétienne, 13 ans qu'elle était chrétienne. Elle allait à l'église le dimanche matin, mais elle ne témoignait pas. Puis là, tout simplement témoigner, elle a pas récité un témoignage, elle a juste dit hey, comment ça va, elle s'est intéressée à la personne, viens, je te paye, on va déjeuner ensemble, et tu vas je suis jamais intéressé à toi, parle-moi un peu de toi. Puis après, juste, je sais que Dieu t'aime, je veux juste prier pour toi. Et cette personne était musulmane et elle s'est convertie. Et ensuite, elle a fait ce qu'on va starter, hein, la formation de disciples qui dure à peu près 6 mois, enfin qui a duré ici 6 mois. Et pendant ce temps-là, on lui a dit, tiens, les groupes connexion. Elle a dit, mais moi, est-ce que je peux créer le mien? Elle a dit, bien sûr, tu invites chez toi, tu peux venir dans mon groupe à moi, et puis après, la semaine suivante, ce que tu vois qu'on fait à la maison, tu le fais aussi dans ta maison, avec les gens que tu connais, avec les gens avec qui tu es en relation, tes amis, ta famille. Donc elle a invité sa famille à venir chez elle. Et au bout de 6 mois, donc, quand elle a la date de son baptême arrivée, donc le jour où on l'a baptisée, avant de la baptiser, elle-même a baptisé des personnes qu'elle avait amenées à la foi dans son groupe. Vous voyez, quand Katia dit qu'il n'y a pas besoin de faire des études de théologie, pour ouvrir sa maison à d'autres et animer un groupe connexion, c'est quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. C'est un peu la règle. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de Nicolas et de Déborah, et puis en fonction de vos disponibilités, soit on va vous inviter on va vous proposer d'intégrer un groupe, ou même on va vous proposer d'en créer un. 1 Pierre 2, verset 12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même qu'ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » C'est fort, hein? Nos œuvres et nos actions d'amour en faveur de la société, elles parlent plus fort encore que nos paroles. Vous voyez? Il dit, hey, qui voit vos bonnes œuvres? Nos bonnes œuvres, elles peuvent, nos actions de compassion favorisent le salut et la guérison d'une ville et d'un pays. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, moi j'aime Dieu, j'aime Jésus, mais j'aime pas mon pays, j'aime pas le monde. Mais comment voulez-vous que les gens aiment Jésus si nous, on ne les aime pas? Vous voyez, c'est difficile de parler de l'amour de Jésus aux gens si on ne leur démontre pas cet amour-là. Et c'est ce que la Bible nous invite à faire ici. Elle dit, hey, comment je peux m'impliquer très concrètement? Soit dans un groupe connexion, soit dans ce qu'on a fait la dernière fois avec Déborah, c'était top. Vous voyez, de pouvoir rencontrer des gens, les aimer, prier pour eux. Françoise a prié pour quelqu'un dans la rue, et puis cette dame pleurait. Elle était juste touchée par l'amour que Françoise lui démontrait. C'était l'amour de Dieu au travers de Françoise, tout simplement. Et c'est un exploit. C'est un exploit que Françoise a réalisé ce jour-là. Et on peut en faire, nous tous, c'est à notre portée de pouvoir impacter les autres, simplement avec des œuvres, des actions d'amour qui les touchent. Jérémie 29, verset 7 nous dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » On voit encore les deux choses, prière et action ici, hein. Recherchez le bien de la ville, donc action, et priez l'Éternel en sa faveur. Ici, la prière. On voit encore ces deux choses, la prière et l'action. Recherchez le bien de la ville. On a la responsabilité, voyez, de rechercher. On voit aussi l'étude. Là, rechercher, ça veut dire qu'il y a une réflexion. Nous menons ensemble une réflexion, dire, hey, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les meilleurs moyens pour servir et aimer la ville? Pour servir et aimer les autres? Si on veut vivre, nous sommes appelés à vivre des exploits. Nous sommes appelés à impacter la ville de Béziers, impacter les gens qui ne sont pas encore sauvés. Comment on le fait? En recherchant le bien de la ville. Il n'est pas dit rechercher le bien de l'Église, hein? Rechercher le bien de la ville. Est-ce qu'on le fait? Comment on le fait? Quand pourrions-nous le faire en tant qu'Église? Hey, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour le bien, non pas de l'Église, le bien de la ville? Parce que c'est ce que la Bible nous invite à faire, d'être préoccupé, de mener une réflexion, de dire, hey, en tant que groupe connexion, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va se réunir, la coque des rois, l'épiphanie, c'est fun, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire entre janvier et juin pour le bien de la ville? De manière très très simple, est-ce que peut-être de simplement ramasser les détritus et aller voir la mairie, dire, écoutez, on veut juste bénévolement, dites-nous où c'est sale, on va nettoyer. Ou sur les plages. Et ça, c'est rechercher le bien de la ville. Et si on prie en même temps, commence à impacter ici la ville. 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, il ne faut pas juste dire à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne dit pas juste « Jésus t'aime », on le démontre. On n'a même pas besoin. C'est Saint François d'Assise qui disait « Prêchez l'évangile en tout temps, et si nécessaire, ajoutez-y des paroles. » Vous voyez ? Donc, prêchez l'évangile en tout temps. Mais, et si nécessaire, nous c'est le contraire, on fait que parler, on parle beaucoup, « Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi !» Oui, mais on ne démontre pas l'amour de Dieu. Là, il dit « N'aimez pas en paroles seulement. » Mais en plus des paroles, il faut qu'il y ait des actes. Et il y a un jeune homme, une histoire vraie, il était au chômage, et son rêve était d'être coach sportif et travailler dans une salle de sport. Et, mais bon, il allait au pôle emploi, et il attendait, il priait. Voilà, je suis chômeur et je prie pour que Dieu m'ouvre une porte. Et son pasteur lui a dit, hey, c'est bien, il y a la prière, il faut que tu passes à l'action. Parce que Dieu est ta source, l'État est une ressource. Et souvent, c'est le contraire. On attend de l'État-providence. Non, c'est Dieu ta providence. L'État est une ressource, mais Dieu est la source de ta foi et de tes attentes. Donc, il mettait plus, parfois, on met plus notre confiance dans l'État-providence que dans Dieu, qui est notre providence. Donc, l'État est une ressource, mais Dieu est une source. Donc, écoute, il faut que tu passes, tu pries, tu es au chômage, maintenant, il faut que tu passes à l'action. Donc, il lui a dit, va dans une salle de sport et propose tes services bénévolement. Tu les aides, tu nettoies, tu... Et il a commencé à le faire. Il dit, bonjour, voilà, il était dans cette salle de sport, il a commencé à aimer à les gens, à servir bénévolement. Au bout de quelques mois, il est devenu tellement indispensable à la salle de sport que le patron ne pouvait que l'employer, parce que c'était devenu une personne très zélée, passionnée, et il l'a employé, parce qu'il était devenu indispensable à la boîte, le gars qui était bénévole. Aujourd'hui, il est actionnaire de cette société. Un jeune chômeur qui juste priait, et c'était bien, hein, je ne méprise pas la prière, hein, mais il fallait ajouter, bon, maintenant que tu pries, bon, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mais voilà, tu vas servir. Ta source, c'est Dieu, c'est pas l'État. On bénit Dieu pour le pôle emploi, mais on ne doit pas dépendre, on dépend, nous croyants, on dépend de Dieu. Merci pour les ressources du pôle emploi, mais ma source est en Dieu. Et donc du coup, il a appliqué ce principe de passer à l'action, et aujourd'hui il est actionnaire de cette société. C'est incroyable. Et je veux terminer en lisant Jacques 1, verset 27, parce que j'ai passé ma semaine à l'hôpital, vous savez, ma maman donc, souffre, et donc j'ai passé tous les jours, hein, du matin au soir avec elle, faire les démarches, etc. Donc j'ai vu beaucoup de gens seuls. Les infirmières me disaient, mais il n'y a personne qui fait ce que vous faites. Et je vois, c'est vrai, les gens sont seuls. Il y a eu avant-hier une personne qui est décédée, et hier une autre, juste à côté. Et moi, je suis avec les familles, et elles me parlent, etc. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je veux lire Jacques 1, 27 avec vous, et vous raconter une histoire, et on va prier. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. Vous voyez ? C'est fort, hein ? La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, c'est aller visiter. Vous voyez, c'est exercer la compassion. Il y a un groupe de femmes, elles ont eu l'idée de dire, hey, on veut juste offrir notre temps aux gens dans les hôpitaux. On est là, s'ils veulent parler, boire un café, on va boire un café, on va les écouter, on va les prendre dans nos bras. Et c'est ce qu'elles ont fait, juste assurer une présence amicale. C'est pas professionnel, hein. C'est juste, on est là pour discuter, et aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Parfois il y avait donc des personnes athées, des musulmans, et peu importe, c'est des gens qui sont face à la mort ou face à la perte d'un être cher. On veut juste être là, on offre des permanences avec du café et du thé, et en l'espace de quelques temps, c'est plus de 100 personnes qui se sont tournées vers Dieu. Grâce à leur action. Et ces 100 personnes qui se sont tournées vers Dieu ne se seraient pas tournées vers Dieu si on n'avait fait que prier en tant qu'église. Vous voyez, on se réunit dans la salle et on prie, « Oh Seigneur, Seigneur, sauve, sauve à Béziers !» Eux, ils ont dit, bon, on a prié, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, on va prendre une bouilloire avec du thé et on est là pour parler avec les gens. Donc, il y a eu ces centaines de personnes qui se sont tournées vers Christ et qui ont été sauvées. Mais aujourd'hui, les responsables de l'hôpital, ils ont intégré leur action dans le programme de l'hôpital. C'est-à-dire, cette action-là, les médecins, les responsables de l'hôpital ont dit, mais ça a un impact, on ne peut pas imaginer, ça a un impact très fort, on le voit. Donc, s'il vous plaît, ils savent qu'ils sont chrétiens, hein, c'est une église qui a mis ça en place, mais le but n'est pas forcément de parler de Jésus, le but est d'écouter les gens, de boire un coup avec eux, de les prendre dans les bras quand ils apprennent. Moi, j'ai vu, hein, quand ils ont appris que la mamie était morte, donc j'ai vu les familles arriver les unes après les autres en pleurs. Alors, des personnes âgées, des parents et des enfants de 11-12 ans, cette mamie était très aimée. Mais je les ai vus défiler. Moi, je m'occupais de ma maman, vous voyez, mais ces gens étaient seuls. Donc, réaliser des exploits va nous conduire à prier et à passer à l'action. Et une chose que je voudrais faire pour aujourd'hui, pour prier, j'ai reçu ça dans mon cœur ce soir, hier soir, pardon. On va prier pour connexion, pour ces initiatives relationnelles. On ne sait pas ce que ça va devenir. C'est Déborah et Nicolas qui vont diriger ça, mais peut-être que toi, tu vas te retrouver aussi comme cette jeune femme ex-musulmane qui s'est retrouvée à simplement inviter chez elle. Là, c'est la coque des rois, l'épiphanie. En février, on pourrait faire les crêpes. Bientôt, Pâques va arriver. Mais cette initiative ne pourrait pas exister sans l'implication, sans l'action très concrète de Nicolas et de Déborah. Donc, en tant qu'église, de manière officielle, j'aimerais que Déborah et Nicolas me rejoignent et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions nous lever et prier pour eux. Parce que pour eux, et surtout pour ce qui va être fait au travers d'eux, ils savent, je pense, même pas, peut-être qu'ils ont des idées, peut-être qu'ils n'en ont pas, mais qu'on puisse vraiment recommander Nico et Déborah qui, depuis des années, porte ça dans le cœur. Et donc, si tu peux venir, et on va prier pour eux. En tant qu'église, levez vos mains. Et puis, si vous avez des paroles, si vous avez à cœur aussi de les entourer, de leur donner, de leur partager quelque chose, ben, vous pouvez venir prier avec eux. Si déjà vous êtes impliqué, vous avez déjà prévu de faire des choses avec Nico et Déborah, je ne sais même pas, ben, vous pouvez aussi nous rejoindre et prier aussi avec nous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, on veut vraiment passer à l'action. On croit qu'on est une église qui prie, mais qu'on a besoin, Seigneur, de passer à l'action déjà entre nous, de commencer, Seigneur, à prendre soin les uns des autres en la semaine, de poser des actes de compassion entre nous, mais aussi, Seigneur, envers les perdus. Et on te remercie, Seigneur, pour toutes les prières qu'on a pu accumuler jusqu'à aujourd'hui. Mais, Seigneur, on veut vraiment aussi étudier, que tu nous donnes des idées, comme l'épiphanie ou la chandeleur ou d'autres choses qui vont donner, Seigneur, de l'avancement en ton royaume. Et, Seigneur, on veut particulièrement prier pour Nico et Déborah maintenant. Seigneur, je te remercie pour Nicolas. Nous te remercions pour Nicolas. Merci pour le don qu'il est pour l'église Transformation Béziers. Merci pour son cœur, pour ce rêve d'implanter une église. Et si, Nathalie, tu pourrais me rejoindre avec le petit aussi. On va prier pour toi. Seigneur, on veut bénir ce couple. Et on veut te remercier, Seigneur, pour les rêves, les idées, pour la compassion qui commence à déborder. La compassion est dans le cœur de Nathalie et dans le cœur de Nicolas. Mais je prie, Seigneur, pour que cette compassion puisse... nous prions pour que cette compassion puisse déborder maintenant au nom de Jésus. Nous prions pour un débordement de compassion dans la vie de Nathalys et de Nicolas. Nous bénissons ce couple. Merci pour les idées que tu leur donnes. Merci pour le cœur surtout. Que les gens de Béziers vont dire ce qu'on aime chez eux, c'est leur cœur. Ah, ils ont un cœur. Et tu prends leur cœur et tu le révèles au nom de Jésus à la ville de Béziers. Tu l'offres. Seigneur, Nicolas parlait de sacrifice ce matin. Il t'offre leur cœur maintenant. On te remercie pour les personnes qui vont les rejoindre dans les différentes initiatives et les différentes actions relationnelles que tu vas leur mettre à cœur. Merci pour les idées qui viennent maintenant dans le cœur de Nicolas. Et merci pour les initiatives qui viennent dans le cœur de Nathalys maintenant, au nom de Jésus. Et merci pour cette voix et ce cœur qui sont pour Béziers, au nom de Jésus. On te remercie pour les multitudes qui vont être touchées, impactées par leur témoignage et leur action dans la ville de Béziers, au nom de Jésus. Inspire-les, envoie-les maintenant, au nom de Jésus. Et Seigneur, on veut bénir également en tant qu'Église Déborah, on te remercie pour les clés, la voix qu'elle est à Béziers. Pour, Seigneur, cette voix qu'elle est, Seigneur, quand tu as envoyé les prophètes, tu disais « parle et ne te tais point ». Parle dans cette ville. Et Seigneur, toutes les fois, il y a plein de personnes ou de circonstances qui ont voulu faire taire Déborah. Et nous prions, Seigneur, qu'elle soit pleine, Seigneur, de d'aisance, d'assurance, d'audace. Seigneur, je bénis sa langue, Seigneur, et que sa langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu l'inspires dans ses paroles. Elle est une voix prophétique, Seigneur, dans la ville de Béziers. Seigneur, la prophétie, ce n'est pas juste parler du futur, mais Seigneur, c'est rétablir la justice. Seigneur, c'est rétablir, Seigneur, la justice et ce qui est droit dans la ville. Et je prie, Seigneur, que toutes les formes d'injustice soient d'abord repérées, identifiées et combattues au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour toutes les actions que tu inspires à Déborah, les actions relationnelles envers les croyants de l'Église, mais les actions relationnelles aussi envers les perdus. Merci Seigneur pour toutes ces initiatives qui bouillonnent dans son cœur. Et Seigneur, nous les libérons maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et en tant qu'Église, Seigneur, on veut suivre Nicolas et Nathalys dans toutes les idées qu'ils vont mettre en place. Seigneur, on veut les suivre. On leur fait confiance. Seigneur, on croit que tu leur as donné ce manteau. Seigneur, on les reçoit comme des ministères. Comme le cœur pastoral, Seigneur, les bergers de l'Église. Seigneur, on te remercie pour toutes ces idées. Et nous, Seigneur, on veut s'impliquer avec eux, soutenir Moïse avec Aaron et Hur, Seigneur. Et merci pour tous ceux et toutes celles, Seigneur. Tu nous vois tout cela, Seigneur. On prie pour eux. Non seulement on prie, mais on veut passer à l'action aussi, avec eux. On te remercie pour tout ce qui va être fait cette semaine et dans les semaines à venir, au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Si d'autres veulent venir prier, faites-le alors que le culte est terminé. Et si vous avez un sujet de prière particulier, si vous-même vous souhaitez passer à l'action, dire « Hey, moi aussi je veux passer à l'action avec Déborah, avec Nicolas » ou « Moi-même, je voudrais rejoindre l'équipe et ouvrir ma maison, j'ai des idées pour passer à l'action », ben venez nous voir et on le rend très concret maintenant, parce que c'est Nico et Déborah qui vont superviser ça.